Discours sur l'inégalité de Jean-Jacques Rousseau. Cette appellation courante de discours sur l'inégalité est en fait un raccourci de discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes. Après avoir obtenu en 1750 le prix de l'Académie de Dijon avec son discours sur les sciences et les arts, Rousseau va concourir une deuxième fois en 1753 sur le nouveau sujet proposé par cette Académie de Dijon. Quelle est l'origine de l'inégalité des conditions parmi les hommes et si elle est autorisée par la loi naturelle? Et Rousseau écrira plus tard dans ses Confessions comment il conçut la réponse à ces questions de l'Académie de Dijon.